السلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Donc le thème abordé aujourd'hui dans la khutba du cheikh était autour de la guidance de al-hidaya en s'appuyant sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, un hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs avec le terme « Ya Ibadi ». Donc c'est un appel de la part d'Allah Azza wa Jal, donc d'une façon à travers laquelle Allah Azza wa Jal s'adresse à ses serviteurs. Il s'adresse à eux en leur disant « Ya Ibadi », une façon de politesse, une façon de les amener à l'écouter subhanahu wa ta'ala et à être attentif. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal ? Demandez-moi, sollicitez-moi la guidance et je vous l'accorderai. Et avant cela, Allah Azza wa Jalla dans ce hadith qudsi, il nous dit Kullukum dal. Vous êtes tous égarés, à l'exception de ceux qui me sollicitent, qui me demandent la guidance. Demandez-moi cette guidance, je vous l'accorde. Donc à travers ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à lui demander la guidance. Ça doit nous interpeller, ça doit nous inviter à se rappeler que le seul qui accorde la guidance, c'est lui subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut guider, c'est lui subhanahu wa ta'ala. Et que la guidance provient de lui subhanahu wa ta'ala et nullement de quelqu'un autre que lui. Donc quand on sollicite, quand on demande à Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi au minimum 17 fois par jour, si on se limite aux prières obligatoires, au-delà des prières obligatoires avec les prières surrogatoires, la première des choses qu'on sollicite, qu'on demande à Allah Azza wa Jal dans nos prières, c'est « Ihdina sirat al-mustaqim ». On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la guidance. Et pourquoi lui demander? Parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui pourra nous accorder cette guidance. Donc, première étape, c'est de savoir, d'être conscient, d'être convaincu qu'il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala. Autre que lui ne pourra en aucun cas n'accorder la guidance. L'être humain, il ne peut qu'être dans l'égarement s'il ne la réclame pas, s'il ne la demande pas, s'il ne la sollicite pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est invité à demander à Allah azza wa jalla de nous accorder cette guidance. Le cheikh, par la suite, une fois qu'il nous a rappelé qu'il n'y a qu'Allah azza wa jalla qui accorde la guidance et qu'on est censé la demander à Allah azza wa jalla, il nous cite les moyens qui nous permettent d'acquérir la guidance. Les moyens qui nous permettent d'avoir de la part d'Allah Azza wa Jal la guidance. Le premier moyen, c'est de se sentir pauvre devant Allah Azza wa Jal. De se sentir faible devant Allah Azza wa Jal. C'est cette sensation à se dire, je suis faible, je ne vaux rien. Et c'est auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, que je dois formuler ma demande, que je dois le solliciter subhanahu wa ta'ala. Donc cette voix qui est se sentir faible, se sentir pauvre devant Allah Azza wa Jal, c'est la meilleure des voix qui nous permet d'acquérir la guidance. Parce qu'à la fois, ça rappelle à l'être humain qu'il est impuissant devant le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous rappelait, et notre prophète alayhi salatu wassalam nous rappelait dans le hadith, que mon serviteur, il est plus proche, ou le moment où mon serviteur il est le plus proche de moi, c'est dans la prière. Et dans quelle partie de la prière? C'est au moment de la prosternation. Et pourquoi dans la prosternation? C'est le moment où je me sens le plus faible. Donc je montre à Allah Azza wa Jal ma faiblesse devant lui. Je montre à Allah Azza wa Jal ma pauvreté devant lui. Donc d'où l'intérêt à ce que je dois l'exprimer. Je dois l'exprimer à travers l'ensemble des actes d'adoration et montrer à Allah Azza wa Jal que que je suis faible et que je suis pauvre et que j'ai besoin de lui. Regardons à travers l'exemple de Youssef alayhi salam. Après avoir subi un certain nombre d'épreuves de la part d'Allah Azza wa Jalla, prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. Donc une alignée de prophètes et de messagers. Il se trouve dans la grotte, ou plutôt dans la... dans le puits. Vendu comme esclave. Travaillé donc dans la maison de l'Aziz, comme esclave. Éprouvé par l'épouse de l'Aziz, se trouvait par la suite dans la prison. Quand la femme de l'Aziz, elle a fermé toutes les portes, quand la femme de l'Aziz, elle l'a invité à l'adultère, qu'est-ce qu'il lui a dit? De quelle façon il sait? Il a repoussé ce mal. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Mon Seigneur, la prison pour moi est mes préférables de ce qu'il me sollicite. Et après, il montre sa faiblesse devant Allah Azza wa Jalla. Il lui dit, Ya Allah, si ce n'est pas toi qui m'écarte de tomber dans le péché, je tomberai. Donc écarte-moi, éloigne-moi de ne pas tomber dans le péché. Fasarafa Allahu anhu kaydahun. Et de là, Allah Azza wa Jalla a répondu favorablement à son appel et à sa demande, et l'a écarté, et l'a dévié donc du châtiment. Donc quand l'être humain s'aperçoit de l'importance que c'est Allah Azza wa Jalla qui accorde la guidance et qu'il doit exprimer à travers ses actes d'adoration sa faiblesse devant Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala le met sur la voie de la droiture. Aussi parmi les moyens, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Allah azza wa jalla nous recommande de le remercier suite à des faveurs qu'il nous a accordées, mais même dans les situations à travers lesquelles il nous a éprouvés. On est censé le remercier subhanahu wa ta'ala. On est censé أن نشكر الله عز وجل et d'ailleurs à travers ce choc Allah subhanahu wa ta'ala rappelait quand les polythéistes disaient pourquoi Allah azza wa jalla a choisi, a élu ceux-là parmi nous, qu'est-ce qu'ils ont de particulier à être élus par Allah azza wa jalla, et qu'est-ce qu'elle répète Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'elle réplique donc à ceux parmi les polythéistes qui dénigraient donc les sahaba qui étaient donc parmi les faibles, parmi les modestes, parmi les esclaves, et qui ont choisi la voie de la foi pour montrer qu'Allah Azza wa Jalla, c'est ceux qui le remercient. C'est-à-dire ce qu'a favorisé ces personnes par rapport à d'autres, c'était des gens qui reconnaissaient les faveurs d'Allah Azza wa Jalla. C'était des gens qui remerciaient Allah Azza wa Jalla pour l'ensemble des faveurs qu'il leur accordait. Pour montrer, alayhi sallahu bi'a'lama bi'shakirin, n'est-ce pas Allah Azza wa Jalla qui sait qui d'entre vous le remercie, qui d'entre vous donc le loue. À travers cela, on comprend que le remerciement d'Allah Azza wa Jalla, c'est un moyen parmi les moyens qui nous permet d'aboutir à cette voie de la guidance. Aussi parmi les moyens, c'est avoir la foi sincère en Allah Azza wa Jalla. Avoir la foi sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ceux qui ont cru, ceux qui ont accompli les bonnes actions, Allah Azza wa Jalla les guidera vers lui à travers quoi? À travers leur foi, à travers leur iman, cette foi qui est sincère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que cette foi sincère, c'est un moyen parmi les moyens qui nous permet d'aboutir à cet objectif, à avoir la guidance et d'être sur le droit chemin. C'est la raison pour laquelle, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ celui qui a la foi en Allah Azza wa Jal » Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la guidance. Et un autre point qui fait partie de ces points qui nous permet d'acquérir la guidance, c'est la sincérité. C'est la sincérité, être sincère. On sait que la sincérité, c'est l'un des piliers principaux dans nos actes d'adoration. Sans la sincérité, nos actes ne seront pas agréés de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et on la voit à travers aussi l'histoire que je vous ai citée tout à l'heure concernant Youssef alayhi salam. Quand donc l'épouse de Al-Aziz, il a fermé toutes les portes. Quand il a cherché à l'amener à commettre le péché, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis donc de ne pas tomber dans le péché. Pourquoi ? Tout simplement, « Innahu min ibadina » Vous avez deux versions. « Innahu min ibadina al-mukhlisin » avec une kasra, « al-mukhlisin » qui implique qu'il est sincère. Et dans l'autre version, « Innahu min ibadina al-mukhlisin » Le premier, c'est un actif. Le deuxième, c'est un passif. L'actif, c'est pour désigner que lui, il est sincère. Le passif, c'est pour désigner qu'Allah Azza wa Jal l'a choisi, l'a extrait, lui a permis donc de ne pas tomber dans le péché. Donc, dans la première version, c'est suite à sa sincérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la possibilité d'être sur la droiture et donc la guidance. Après avoir rappelé ces quatre points qui mènent à avoir la guidance auprès d'Allah Azza wa Jal, il est bien sûr important de connaître l'opposé de ces points. Parce qu'en connaissant l'opposé, on arrive à cerner la voie de la guidance. Quand on sait les moyens qui nous permettent d'aller vers la guidance, et de la même façon, quand on connaît les moyens qui nous permettent d'aller vers la désobéissance et dans l'égarement, là on sera vigilant. À la fois, on a ces moyens qui nous permettent d'aller à la guidance, et en même temps, on est conscient et on connaît les voies qui peuvent nous amener à l'égarement. Donc ça nous permet d'être sur le droit chemin. Donc parmi ces points qui relèvent dans la vie de chacun d'entre nous des causes qui peuvent nous amener à l'égarement, c'est le fait de ne pas remercier Allah Azza wa Jal pour l'ensemble des faveurs qu'il nous a accordées. Ces faveurs, ils sont là pour qu'on le remercie, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal ? Wa qalilun min ibadiya. À chaque fois, sont peu nombreux ceux parmi mes serviteurs qui me remercient. Cela signifie quoi ? Cela signifie que ceux qui ne le remercient pas ne sont pas partie de ses serviteurs. Il les a écartés, il les a éloignés. C'est qu'ils ont choisi donc une autre voie autre que la voie de la droiture, c'est donc la voie de l'égarement. C'est pourquoi donc le serviteur, il est censé sans arrêt, sans cesse remercier Allah Azza wa Jal quand il est face à des ni'am qu'Allah Azza wa Jal lui accorde, donc à des faveurs qu'Allah Azza wa Jal lui accorde, de la même façon quand il est face à des difficultés et à des contraintes. Le deuxième élément qui fait partie de ces éléments de l'égarement, c'est l'orgueil, al-kibr. Allah Azza wa Jal nous a rappelé dans plusieurs versets. Et parmi ces versets, il nous dit « Je vais écarter de ma voie, je vais écarter de ma voie ceux qui sont orgueilleux. » Il suffit de rappeler l'un des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, que n'accédera pas au paradis celui qui a la moindre atome dans son cœur de kibr, d'orgueil. Que ce hadith-là est largement suffisant pour chacun d'entre nous de comprendre. Si on a la moindre atome au fond de nous-mêmes, dans nos cœurs d'orgueil, on n'aura pas accès au paradis. Donc ça doit nous amener à éviter l'orgueil. Et l'orgueil, c'est parmi donc les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et on n'a pas donc à concurrencer Allah Azza wa Jal dans ses attributs, comme l'attribut donc de l'orgueil. De la même façon, un autre élément qui peut amener à l'égarement, c'est que Allah Azza wa Jal, quand il a créé les cieux et la terre, et quand il a demandé aux cieux et à la terre de prendre en charge ce dépôt, cette amana. Il a confié la responsabilité aux cieux et à la terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on est incapable. Et c'est qui a voulu prendre en charge ce dépôt? C'est l'être humain, c'est l'insan. Et Allah Azza wa Jalla qualifie l'être humain de deux choses. De dhulm et de jahl. Al-dhulm, c'est l'injustice, et le jahl, c'est l'ignorance. Donc, la nature humaine fait que l'être humain, il est quoi? Injuste. Il est injuste et il est ignorant. Il est ignorant. Donc, il est censé dépasser, surpasser à la fois l'injustice et l'ignorance. L'injustice à travers quoi? À travers l'unicité, à travers le tawhid, à connaître Allah Azza wa Jal, à connaître ses noms, ses attributs, un moyen qui lui permet de connaître la vérité. Et jahl, l'ignorance à travers le savoir d'apprendre sa religion. Donc, ce moyen-là, si la personne ne fait pas cet effort d'être juste, d'apprendre, elle restera dans cette voie d'égarement. Parmi aussi donc ces moyens qui mènent la personne à l'égarement, c'est les péchés. C'est les péchés, c'est le fait de commettre des péchés. Les péchés, c'est un moyen qui permet à la personne d'être dans l'obscurité, d'être aveuglé, de ne plus distinguer entre le bien et le mal, de ne plus discerner. Et plus la personne commet le péché et ne revient pas vers Allah Azza wa Jalla, ne demande pas pardon, plus il s'enfonce dans cette obscurité. Donc, les péchés, c'est un des moyens parmi les moyens dangereux qui mènent la personne à l'égarement et de ne pas rester dans la droiture. C'est la raison pour laquelle j'avais cité une des paroles de l'imam Sa'di, rahmatullahi alayhi, qui est donc le cheikh de l'imam, ou aussi donc de l'imam et du cheikh Al-Utaymin, rahmatullahi alayhi aussi. Donc il disait, quand il a fait son commentaire du Coran, l'imam Sa'di, il a fait un commentaire du Coran al-Karim, le résumé de ce Coran, il est traduit en français. Vous avez ce résumé qu'il est traduit dans un seul volume en français. L'imam Sa'di, rahmatullahi alayhi, disait à la fin donc de son commentaire, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde sa ni'ma, sa faveur, et qu'il nous pardonne nos péchés, ces péchés qui ont été des obstacles entre nous et les bénédictions, et bien beaucoup de bénédictions de la part d'Allah Azza wa Jalla. Il montre à quel point les péchés, c'est un obstacle entre l'être humain et la baraka, les bénédictions qui peuvent être accordées par Allah Azza wa Jalla à son serviteur. Plus la personne y pêche, plus il sera amené à ne pas avoir de la part d'Allah Azza wa Jalla cette bénédiction. Plus il évite les péchés, plus il aura, bi'idnillah Azza wa Jalla, une baraka, une bénédiction de sa part. Et le dernier point qu'il va falloir aussi éviter, c'est le fait de refuser la vérité quand on entend parler d'elle dès la première fois. Souvent, beaucoup de gens, quand on leur dit Allah Azza wa Jalla a dit, et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ils repoussent cela. Ils ne veulent pas l'accepter. Alors tu lui dis, c'est Allah qui dit, c'est son prophète qui dit. Non, moi je pense ceci, je pense cela. Donc ça, c'est un élément parmi les éléments qui mènent à l'égarement. Parce que devant la parole d'Allah Azza wa Jalla et la parole de son prophète alayhi salatu wasalam, personne n'a le droit de donner son avis. Quand on dit Allah a dit, c'est comme les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam qui ont répondu, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Nous avons écouté, nous allons appliquer. Contrairement donc aux autres communautés qui nous ont précédés, qui étaient dans les garons, quand Allah Azza wa Jalla leur a ordonné, qalu sami'na wa asayna. Nous avons bien entendu, mais nous faisons preuve de désobéissance. Donc le musulman, il est censé, face à la parole d'Allah Azza wa Jalla, et à celle de son prophète alayhi salatu wasalam, de répondre favorablement au sinon, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? De la même façon qu'ils n'ont pas cru, qu'ils n'ont pas cru donc à ma parole dès la première fois, je fais changer leur cœur et leur regard, au point qu'ils n'arrivent plus donc à distinguer entre le bien et le mal. Ils voient le bien comme un mal et le mal comme un bien. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on leur parle de la parole d'Allah Azza wa Jalla, quand on leur parle de la parole du prophète alayhi salatu wasalam, qu'ils mettent donc leurs mains sur leurs oreilles et ne veulent pas les écouter. فأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.